inventer. Le chemin est assez grand. On le fait en voyant le passé. Et les cheveux dans le vent. Ouvrir les yeux et embrasser. Le ciel trahira-t-il à présent? Les yeux tournés vers l'avenir. Croiser les bras, mais jusqu'à quand? Pour ne pas se maudire, est-ce que je te vois comme avant? User du peu de tendresse qui nous reste, détruire l'abri sous la pluie, plus imaginer le pire. Ne plus vouloir reconstruire. Fermez les yeux et serrez ta main. Car ce qui arrive n'est plus très loin. Car ce qui arrive des lendemains. Et après la fin, qu'est-ce qu'il advient? Que reste-t-il un bruit? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il à espérer? Que reste-t-il pour rêver? Que reste-t-il à aimer? Que reste-t-il à mes côtés? Que reste-t-il pour aimer? Que reste-t-il tous les jours? Que reste-t-il de la cruauté? D'être heureux, est-ce qu'on le ferait vraiment? Ou avons-nous peur inconsciemment? Ou alors, tout simplement, n'avons-nous pas de place pour la simplicité? Que reste-t-il des amours? Que reste-t-il à espérer? Que reste-t-il mes côtés? Que reste-t-il à aimer? Que reste-t-il la cruauté?